C'est si j'écoute, j'annule tout. Exactement. Voilà, si j'écoute, je suis là. Dites-donc, on a trouvé de l'eau sur Mars, vous avez trouvé le Ricard. C'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? De l'ouzo, madame, de l'ouzo, madame. Très bien. Merci Laetitia Gaillet d'informer nos auditeurs comme ça, parce que nous allons les désinformer pendant une heure. Et écoutez comment. Salut les amis. Salut, salut Charline. Est-ce que vous avez trouvé les sujets? J'aimerais savoir, avez-vous trouvé les sujets? Non mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu parles comme ça? Que le jour commence et que le jour finisse. Quoi sans voilà. Que jamais Titus puisse voir Bérénice. Oh non mais ça va pas les posséder là. Mais enfin, mais c'est Racine. Mais oui, c'est Racine, je te confirme, c'est Racine. Mais oui, mais pourquoi Racine? Qu'est-ce qui t'arrive? On reçoit un comédien, le théâtre. Mais on reçoit Olivier Gourmet. Ah, le cinéma. Oui, mais lui, il intériorise quand même. Ah, l'intériorité. Oh, laisse calmer là. De jouer comme ça, on dirait Francis Huster qui a avalé Sarah Bernard. Ouais, enfin, tu vois, si je dois jouer dans un sketch. Oui. Moi j'aimerais avoir le niveau, tu mais vois. Mais t'auras jamais le niveau, jamais. Mais c'est pas grave. Ah, c'est il est belge, en plus il est sympa. Ah, mais justement, je propose un thème sur l'indépendance de la Catalogne. Catalogne, ça me rappelle Corneille, l'Espagne. Ah, ouais si vous fûtes vaillant, je le suis aujourd'hui. Non, non, et non, souverain du royaume est le plus ferme à lui. La Grenade et l'Aragon tremblent quand se ferme la vie. Mon nom sert de rempart à toute la Castille. C'est beau. Attends, attends, attends, parce que moi aussi. Vas-y, Guillaume. Moi aussi, je peux faire le comédien. Qu'est-ce donc, avez-vous? Mais Guillaume. Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie! Ah, laissez-moi là, vous dis, j'ai couru vous cacher! Oui, et bien très bien, c'est ce qu'on va faire! Que le jour commence! Que si le vous jour fuites vaillant, les gars, c'est bon, stop, c'est bon, c'est parti! Ouais, c'est bon, on va travailler tranquille! J'étais pas un petit peu dans le surjeu sur Alceste? Ah non, impeccable! Et que bonjour la France entière. Vous écoutez l'émission qui pousse l'actualité dans les orties. Et voici les trois informations qui vont le sentir passer jusqu'à 18h. Qui veut gagner 1 milliard? Bernard Tapie. Bernard Tapie. Ça c'est l'accent pied noir. Bernard Tapie. C'est bien. Qui se retrouve devant la justice et devant laquelle il pourrait avoir le culot de réclamer une somme mirobolante, de quoi remonter le juge comme une pendule. Mais sinon qu'est-ce qui t'a fait Tapie? Il a niqué ta gonzesse, c'est ça? Les Catalans qui veulent être indépendants ont réussi à séparer la Catalogne d'elle-même. Oui, le résultat des élections régionales est assez bancal. Majorité des sièges, mais pas majorité des voix pour les indépendants. Quant aux Français, ils sont aussi divisés sur le cas de Barcelone. Manuel Valls, il est catalan. Pourquoi est-ce qu'on ne le rend pas à la Catalogne? Les marionnettes sont de retour. Ah, mais ça se passe aux États-Unis. C'est le Muppet Show is back à l'ère moderne, car Kermit a plaqué Peggy pour une nouvelle cochonne. Oh mon Dieu, l'union céleste, une grenouille et une cochonne. On aura des petits têtards saucisses. Et je suis accompagnée de celui qui est doué dans plein de choses, mais qui bricole comme une saucisse, c'est Alex Vizerey. Ça n'est pas faux, et je pense que la comédie française est passée à côté de vous et j'en suis fort déçu. Aujourd'hui, autour de la table, attention, trois pointures, à 17h20, l'homme qui nous narre le sport comme si chaque athlète participait d'abord à l'Iliade, puis à l'Odyssée. Il a le sens de la mise en scène verbale. Bref, il nous enfume, mais on aime ça. Bonjour Samir Bouazi. Bonjour ami, je vais vous parler de Michel Platini, ou plutôt du paradoxe platinien. Ah, pas inintéressant. À 17h30, parlant d'enfumage, lui, il enfume ses interlocuteurs, car les gens pensent que c'est un vrai journaliste. Et là où les vrais journalistes traitent l'information, lui, il la maltraite, et c'est sans doute bien mieux comme ça. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Moi je me suis rendu aujourd'hui au salon du mariage. Ah, le mariage, le rêve, la beauté, la magie. Je pense que c'est surtout pour les impôts. Ouais, les impôts aussi. Et à 17h40, elle aussi, elle en fume. Elle en fume même de la toute bonne. Et elle vient nous parler livre aujourd'hui. C'est Juliette Arnaud. Bonjour. Oui, bonjour. Et moi, je vais vous faire Délivrance. Et Délivrance de Toni Morrison, ça n'est pas délivré. Libéré. Voilà. Non, je ne l'ai pas fait. Ce sera la chronique littéraire de Juliette Arnaud. Si tu écoutes J'annule tout et présent dans un monde virtuel sur Twitter, hashtag annule tout et sur Facebook, devenez notre ami imaginaire. Le référent de la République qui préside cette émission est né dans une monarchie. Vous êtes né sous Baudouin de Belgique. Vous jouez dans La Promesse des Frères d'Ardennes en 96. C'est l'année où Malraux entre au Panthéon, le transfert le plus cher après celui de Martial à Manchester. Vous remportez le prix d'interprétation masculine à Cannes pour Le Fils des Frères d'Ardennes en 2003 quand Carla Bruni nous dit qu'il y a quelqu'un qui lui a dit qu'il aimait encore. Vous recevez un Magritte, c'est un César belge du meilleur acteur pour l'exercice de l'État de Pierre Scheler en 2014, quand le plug anal de McCarthy est saccagé place Vendôme, bien avant que ce ne soit le vagin de la reine. Bienvenue en France, bienvenue car vous êtes, je vous laisse nous le dire. Ah, Olivier Gourmet. Oui. Bienvenue. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Olivier Gourmet, on peut vous voir à partir de demain en salle dans L'odeur de la mandarine, un film de Gilles Legrand, où vous jouez Charles, officier de cavalerie, qui a perdu une jambe. Oui. Et Angèle, qui est Georgias Caillé. Qui a ses deux jambes de la Comédie française, monsieur. Angèle débarque chez vous comme infirmière. Elle est veuve. Alors vous êtes grand propriétaire, gentleman. Un peu décadent quand même. Un peu décadent, c'est vrai. Mais ça a un certain charme. C'est comme ça que, en tout cas, moi j'ai trouvé. Charme, pas charme. Oui, Charles a du charme en tout cas. Et on attend que vous emballiez Angèle. Toute la complexité de votre personnage se révèle au moment où vous essayez vraiment de l'emballer. Vous avez presque tout pour vous. C'est bien résumé, hein. C'est bon, mais c'est toujours à partir de ce moment-là que les problèmes commencent. Mais oui, c'est voilà. La boum, quoi. C'est la boum, quoi. Alors, à part ce côté décadent qui fait votre charme, moi je trouve dans ce film, vous avez tout pour vous sauf une jambe. Alors, vous pouvez préciser, vous mais avez c'est, tout c'est, pour vous. Non, mais pas vous, le personnage. Non, mais heureusement qu'on ne reçoit pas Jamel Debbouze, vous lui auriez fait quoi, vous? Bon, alors, Olivier Gourmet, sérieusement, dans L'odeur de la mandarine, vous portez le film avec Georgias Caillé. Vous portez les 1h50 de film de bout en bout. Mais il vous manque un bout, c'est la jambe. Mais alors ça se joue comment pour un comédien? Parce que c'est travailler après, mais vous avez joué sur une jambe. Je préférais jouer sur une jambe parce que le corps est important. Dans mon éducation théâtrale en Belgique, on met un point privilégié sur le corps. Et donc, ah oui, voilà. Par rapport à la France, oui. Je trouve, oui, la France est plus cérébrale. Plus bavarde, et on est plus dans les corps, justement. Peut-être l'école nordique, je sais pas, mais... C'est complémentaire ou c'est dérangeant, ces deux façons de voir le travail? C'est complémentaire, parce que je pense que le corps est le filtre des émotions, donc si le corps est pas là, l'émotion est pas juste, la respiration est pas juste. Donc voilà, on joue sur une jambe pour donner un peu de crédibilité à son personnage, et pour jouer comme un enfant. Donc vous essayez plus quand de... Quand je fais capitaine crochet, ouais. Je mets un crochet. Quand je dois faire un cul de jatte, ben, je me mets à genoux. Et quand il me manque une jambe, je plie la jambe. Mais c'est aussi le plaisir de jouer aussi. Parce que si c'est pour le faire sur deux jambes, c'est moins amusant. Il y a cette fameuse opposition de l'acteur studio par rapport à l'acteur qui joue. Est-ce que vous avez passé genre un mois sur une jambe pour le ressentir comme à la Dustin Hoffman? Ou est-ce que à la Laurence Olivier, vous vous levez, vous mettez sur une jambe et vous jouez? C'est un mélange des deux. Ben, ça dépend quoi, parce que Laurence Olivier, oui, il y a une réplique célèbre où il devait courir et puis il dit mais comment, Dustin Hoffman dit mais comment tu fais? Ben je joue. Marathon voilà man. Et puis lui Marathon Man et puis lui il devait courir avant pour être réellement essoufflé. Ouais. Maintenant, moi, je prépare parfois quand... Ça dépend quel film. Si je prends un film comme Grand Central où je suis un ouvrier du nucléaire, la réalisatrice, elle veut un côté un peu... Voilà, pas irradier complètement, mais elle veut des gestes précis sur des choses précises. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un minimum de choses à apprendre. C'est comme un journaliste. Pour pouvoir parler, traiter l'information, il faut se renseigner un peu avant. Et pour incarner un personnage, parfois... Ah, on connaît pas les mêmes journalistes. De se préparer. Mais oui, mais je sais pour vous, mais bon. Voilà, en tout cas, les journalistes qui font leur boulot correctement, en général, ils s'informent. Et donc, quand vous travaillez avec les Dardennes, vous chômez un bon mois avant, et je vis à Serein, complètement enfermé, sans lumière, sans électricité, et mangeant des saucisses zoines en boîte pendant un mois. Pour l'heure, c'est un film de Gilles Legrand qui s'appelle L'odeur de la mandarine. On s'attache très fort à vos deux personnages qu'on suit vraiment pendant tout le film. C'est d'abord un film très, très, très, très beau, esthétiquement très beau. Aussi. C'est très joli, la photo est incroyable. Et c'est une histoire d'amour qui se tisse aussi autour d'un cheval. Alors, on s'attache énormément à vos deux personnages, vraiment. On suit tout le film parce qu'on a vraiment envie de savoir ce qu'ils vont devenir, comment ils vont réagir. Autant j'ai eu plus de mal à m'attacher au cheval. Je me dis, pourquoi cette histoire est autour d'un cheval et qu'est-ce que ça apporte à l'histoire ? Capitaine de cavalerie, et puis voilà, donc il y a le cheval évidemment qui est sa passion, et puis cet homme diminué physiquement, atteint dans sa virilité, et puis dans sa passion qui est le cheval. Voilà, maintenant, pourquoi le cheval... C'est ça qui lui donne cette dimension. Gilles Legrand est passionné des chevaux, il avait envie... le premier pitch, quand il a commencé à écrire le scénario avec Guillaume Laurent, c'était « Je veux une histoire d'amour, mais je veux qu'il y ait du cheval dedans ». Donc Guillaume Laurent a bien dû se mettre à écrire avec un peu de cheval dedans. Et, il fait des lasagnes aussi, ce monsieur. Oui, chez Spagaro, mais... je sais pas, ce cheval... Non, ce cheval vit toujours, mais il finira peut-être en lasagne, ça, on n'en sait rien. Mais je pense qu'aussi, il avait envie d'inscrire cette histoire dans la nature, parce que la nature exacerbe oui. la sensualité, et l'érotisme et le plaisir. Oui. Et les chevaux et l'équitation. Et les chevaux et l'équitation. Mmh. Le plaisir bien, féminin beaucoup aussi. Beaucoup d'hormones, parce que oui. C'est alors... sur le plaisir féminin, beaucoup d'hormones. C'est l'animal hormoné type de la faune domestique, quelque part, l'étalon. C'est vrai. Alors voilà l'explication. Donc L'odeur de la mandarine de Gilles Legrand, avec aussi, donc et votre partenaire, hein, Georges Escaillet. Et alors deux seconds rôles formidables. Il y a évidemment Hélène Vincent. Oui. Et vous avez aussi Michel Robin, qu'on a pu voir. Qui est drôle. Très drôle. Alors, qu'on a pu voir dans La Chèvre, Rabbi Jacob ou Amélie Poulain. Il fait partie de notre. Mais non, mais quand on le voit, c'est une Madeleine de Proust, rien que de voir Michel Robin. Donc vous êtes servi aussi par des seconds rôles qui sont des véritables Rolls. Oui. Donc L'odeur de la mandarine de Gilles Legrand, c'est en salle à partir de demain. The harder they come, et plus ça fait mal. Plus ça fait du bien. Vous êtes sur France Inter avec Juliette Arnaud, mais aussi. Mais 3-3 Belgique-France autour de la table. Ouais. Nous avons Juliette Arnaud, Samir Boisdier, Guillaume Meurice. Et du côté belge, nous avons notre invité Olivier Gourmet et nous deux. La rédaction met tous ses moyens au service de l'information. Oui, Olivier Gourmet, dans cette émission, bien sûr. Et écoutez ce que ça donne. Voilà. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et voici les titres. Astronomie, des scientifiques ont découvert qu'il y avait bien de l'eau sur la planète Mars. Une très bonne nouvelle pour les habitants du Soudan, de l'Éthiopie et du Niger. Radio, aujourd'hui, les grandes stations privées ont décidé de boycotter la règle du quota de chansons françaises sur leurs ondes. Un manque à gagner énorme pour Stromae qui passait en boucle. En revanche, pour Hervé Villard, c'est une journée comme les autres. Et bien sûr, quelques brèves, parce que ça va vite. Et une fois n'est pas coutume, nous commençons par voilà notre corporation, la radio. Les radios privées n'appliquent pas ce mardi leur quota obligatoire de chansons francophones pour protester contre le soutien du gouvernement à un amendement qui vise à les durcir. France Inter se solidaire de ce mouvement. Nous avons donc décidé d'adapter notre playlist francophone. Mais comme ça c'est décidé en dernière minute, on écoute Fauve. You are beautiful like a comet. You are in my skin, you are in my head. And even if I was the only one, you can't leave it like that. Because you are beautiful like a planet. You are in my skin, you are in my head. Non, merci, c'était I will bien. Tell you again, I can. Merci pour ce moment musical. Voilà, passons ouais. à la science. Oui, passons à la science plutôt. Avec cette découverte scientifique, on a trouvé des traces d'eau sur Mars. Oui, Nadine Morano s'est enthousiasmée et a déclaré, je trouve ça magnifique ce qui arrive à cette planète. C'est une très bonne nouvelle pour tous ces habitants de race verte. Politique toujours, avec cette surprise à Nice où les habitants ont été déstabilisés par la vision d'un immense drapeau nazi flottant sur la préfecture de Nice. Mais pas de panique, il s'agissait évidemment du tournage d'un film. De toute façon, il est interdit de dévoiler le résultat des régionales avant l'élection. Et je pense, Charline, que c'est important de soutenir le mouvement des radios privées. Oui, effectivement, oui. On s'écoute le tube du moment, on écoute Vianney. You are not there, where are you? You are not there, where are you? Not there, where are you? You are not there. Je comprends pourquoi c'est bien en français. Merci Alex. C'est beau ce soutien entre médias publics et privés, hein, mais passons au sport. Voilà, Brésil, un arbitre dégaine une arme en plein match. Alors qu'il est pris à partie par certains joueurs des deux formations, l'arbitre à la rencontre a sorti une arme afin de rétablir l'ordre. Voilà, mais je pense que si Domenech avait sorti un riot gun, je peux vous dire qu'ils seraient tous descendus du bus à Nice, hein, et qu'Anelka aurait sans doute trouvé une autre profession à la maman de Raymond. Et on termine par le journal d'hier, un journal sur France Bleu Île-de-France. Voilà, on écoute. Un numéro gratuit anonyme pour l'interruption volontaire de grossesse. De grossesse. C'est la boulette. Voilà ce qui se passe. On regarde trop le calendrier des dieux du stade. Effectivement. Charline, voilà. Peut-être les quotas. Oui, bien sûr, on termine par ce soutien de France Inter aux radios privées qui en ont besoin, hein, surtout financièrement. Nous aussi, on ne respecte pas non plus le quota de chansons françaises aujourd'hui. Voici un grand habitué de la playlist France Inter. We listen Gregorian song, she talk not much, I say nothing. We have a relationship like this, Fanny Ardan. And me, I spend the day with Sylvain when she changed the paper pain. We are very independent, me and Fanny Ardan. Elle est underground, and that's a joke. Merci Alex Vizorek. Si on peut aider les gars. Mais écoutez, oui, cette solidarité, c'est beau. Bah oui, parce qu'en face, Stroma, il passe en boucle. Et ça, c'est un problème. Il souffre. Nous sommes toujours sur France Inter, en compagnie d'Olivier Gourmet, dont le dernier film « L'odeur de la mandarine » sort en salle demain. Et nous allons aborder avec vous le premier sujet, parce que vous savez qu'on vous a expliqué avant l'émission, on change le monde. Vous m'avez rien expliqué du tout, vous m'avez donné trois bouts de papier terrifiants, avec des banques, vous des mentez, et Olivier, je ne sais pas quoi. Je vous dirais que c'est comme ça qu'on prépare nous aussi. L'indépendantisme de la Catalogne, donc voilà. Écoutez, on va commencer, vous allez voir. Vous voulez changer le monde, changez-le. Donnez-moi des solutions, je ne sais pas, je peux les appliquer. Je vais faire un QCM peut-être. Oui. Vous allez voir ce que ça donne, on va se jeter dans le grand bain. Attention, premier sujet, Bernard Tapie fait son grand retour devant la justice publique. Il n'a plus l'habitude, la dernière fois c'était un tribunal arbitral donc privé. Alors cette fois, Nanar se produira en public dans l'affaire qui dure depuis 20 ans et qui l'oppose au Crédit Lyonnais. Et il pourrait avoir le culot de réclamer 1 milliard d'euros à l'État. C'est la combine à Nanar. Elle doit prouver être nulle part. Politique, business et foot. Nanar est tellement partout qu'il peut se planter nulle part. Jamais Tricard, non jamais Tocard. Et la combine à Nanar, c'était les guignols quand Canal était encore Canal. Alors, ça fait du bien de le dire. C'est tous ensemble, respirer, ça fait du bien. Bernard Tapie, il a vraiment joué tous les rôles. Patron de l'OM, ministre, patron de presse, acteur. Chanteur. Voilà. Mais prévenu devant un tribunal. Est-ce que c'est pas le plus beau rôle de sa vie, Olivier Gourmet? Vous qui êtes comédien, vous dites... Prévenu devant un tribunal, ouais, le plus beau rôle de sa ouais, vie ouais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, parce qu'on le connaît plus pour ça que pour le reste. C'est pas la première fois, donc on le connaît plus pour ça que pour le reste. Oui, non, bah... faut bien qu'ils se défendent. De toute façon, maintenant, ils réclament combien ? Un milliard, vous m'avez dit. Ouais. Mais, j'ai lu même peut-être un deux. Un petit milliard. Peut-être deux. On n'est pas à un milliard près non plus. Non, pas chipoter. Est-ce que c'est le genre c'est son avocat qui va y avoir du boulot plutôt que lui, à moins qu'il se défende seul. Mais son avocat. Le rôle de l'avocat est plutôt. Ça vous intéresse, ça vous amuserait de jouer à l'avocat. Oui, il y a du travail. Et c'est le genre de personnage qui vous intrigue, qui vous. Oui, bah, comme tout le monde, je pense. Qui me débecte, non. Qui m'intrigue, oui. Qui peut me débecter à certains moments. Qu'on peut admirer occasionnellement. Mais en même temps, ils sont tous dans le même panier de crabes. Donc, que ce soit le Crédit Lyonnais, que ce soit lui, que ce soit Clinvest, que ce soit les autres. Vous l'avez vu en tant que comédien dans le film notamment de Lelouch Non, je ne l'ai pas vu, non. Non. Vous avez raté un sacré. J'aurais aimé avoir votre vie. Ah si vous voulez, je peux vite aller le regarder. C'est un extrait. N'essayez pas de vous enfuir. Je vais le voir et vous donner mon avis. On le voit comme comédien tous les jours, finalement, ouais. Bernard Tapie. Dès qu'il est devant un média, il est comédien, non ? Comment vous voyez ça, vous hein ? Il joue un jeu, non ? Il joue un personnage. Il est son personnage. Il est populaire. Donc, à partir du moment où il est populaire, c'est qu'il a un certain talent, un certain bagou, une certaine gouaille, on le dit, et qui sensibilise certaines personnes, assez curieusement. Mais on aime les gens comme ça, frondeurs, rebelles, qui s'opposent, qui vont à l'encontre d'eux. Et puis, il s'est fait beaucoup aussi manipuler, hein, l'air de rien. Sous l'ère Mitterrand, quand même, on a un peu joué avec ses pieds. Hein. Parce que j'avais vu un reportage sur lui, c'est quand même sidérant comment on l'a utilisé, comment on l'a remis au placard, comment on est allé le rechercher, comment on l'a opposé à Rocard, enfin... c'est un rôle magnifique. Ouais, il est monté sur le ring avec Le Pen quand même à l'époque. C'est aussi, c'était oui, pas rien. On peut le remercier pour ça en tout cas. Et alors le petit milliard d'euros là, genre le mec qui demande un milliard d'euros à l'État, je sais que ça vous fait marrer, vous dites mais il est fou. Ben non, il a été floué. Ouais. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Nous qui sommes belges, Olivier Gourmet, est-ce que Bernard Tapie, c'est pas un peu l'image qu'on se fait du français ? C'est intéressant. C'est une image, oui, mais un peu caricaturale, je pense. Quand même. Je pense pas. Moi qui suis quand même très ableur. Vous aimeriez que je dise que le français, est Bernard Tapie en général, mais j'en ai rencontré plein d'autres qui n'ont rien de Bernard Tapie. Et voilà. C'est vrai. Merci beaucoup, Olivier. On a tous quelque chose en nous. De Bernard Tapie. Et de Samir Boadi. Ah oui. Bah écoutez, les enfants, on va parler un peu de Platini. Vous n'êtes pas sans savoir que sans transition, autre caricature du français. Autre caricature. Pas toujours, Charline. Non, on n'est pas savoir que Platini. Parce qu'il a gagné des titres. Oui, puis il savait dribbler, lui. Alors, il est au cœur donc, de la tourmente depuis que la justice suisse, après l'américaine, fouille dans les comptes de la FIFA, qui se confondent presque avec ceux de Sepp Blatter, les comptes. Hein, le grand timonier, c'est Blatter, pour faire plaisir à Guillaume. Alors, son ami d'hier, ennemi déclaré d'aujourd'hui, de 13 millions, Blatter donc, lui aurait versé sur une période de 9 ans l'équivalent de 2 millions d'euros pour, je cite, des travaux. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, hein, des travaux, hein, quand Blatter parle de travaux. Hein. Moi, j'en profite d'ailleurs pour candidater, alors non pas à la présidence de la FIFA comme Platini, mais juste à des petits jobs de rénovation, hein, plomberie, hein, pose de parquet et autres, hein, pour monsieur Blatter. Alors, je ne suis pas du tout doué pour le bricolage, mais à ce prix-là, je vais bien me déguiser en Valérie Damido. Hein. Une perruque blonde, une salopette, une perceuse, et on n'en parle plus, quoi. Hein. 2 millions d'euros divisé par le nombre d'années pour Platini, ça fait donc 222 222 euros par mois environ. C'est pas mal, mais enfin, pour un joueur de foot du talent de Platini, c'est pas grand-chose en fait. Enfin, quand même, ça fait tâche. Platini a beau vouloir s'expliquer devant la commission d'éthique de la FIFA, c'est moche. C'est comme tu dirais, un caillou dans la chaussure de celui qui fut le plus grand joueur du monde et qui, pour certains, dont moi, est toujours le plus grand si on l'intègre dans l'évaluation des critères autres que le jeu strict. Parce que Platini a toujours joué un football total. Loin de se résigner à pousser uniquement la balle, il a aussi poussé les hommes, trouvé la faille humaine avant de chercher la faille technique chez l'autre. Son arme fatale, chers amis, c'est la vista. Il voyait le jeu avant les autres, comprenait le jeu, savait où se trouvaient ses partenaires sur le terrain. Il aurait pu jouer les yeux fermés. Parti de loin, avec des capacités physiques moyennes, pas si rapide que ça, il a même été refusé de Metz hein, pour incapacité respiratoire, après tomber dans les pommes en soufflant dans le spiromètre. Et ouais, c'était ça, Platoche. Bah ouais. Il a donc adapté son sport à ses handicaps, et pas le contraire, au lieu de poursuivre les chimères du mimétisme. C'est son génie. Il a inventé un foot fait de trajectoires nouvelles, des coups francs directs qu'il a longtemps travaillé, son expression ultime de sa philosophie du jeu. Surprendre, toujours. Du coup, alors, franc ou pas, du coup, hein, il est devenu ce joueur souriant, charrieur, hableur, capable de parler à l'arbitre, de lui mettre la pression sans jamais élever la voix. Le génie en mouvement, c'est Platini qui ne court pas puisque c'est le ballon qui va vite. Et puis... Et puis Blatter, la politique, les postes à responsabilité, ben ouais, la présidence de l'UEFA. Platini en costume, le ventre rond, enceinte de toutes les balles qu'il a caressées. Platini qui soutient Blatter quand celui-ci devient patron du foot mondial. La suite, vous la connaissez, Blatter qui triche, Platini qui le lâche, et Blatter qui le piège, et on sait pas pourquoi, et qui revient, et qui le soutient, et on n'en sait rien, en affirmant que l'argent qu'il a donné à Platoche, il lui a donné pour des travaux. Mais on n'y comprend rien à cette histoire de travaux. Mais c'est quoi? C'est les 12 travaux d'Hercule? J'en doute, les amis, parce que les écuries d'Augias sentent toujours autant le purin. Platini, dont le cheval de Troie aura toujours été le foot propre. Voilà. Platini, dont la probité n'est pas légende. Platini, qui a toujours défendu le plus faible. Platini, l'élégance incarnée. Platini est un paradoxe parce qu'il a toujours joué pour gagner, quitte à jouer avec les limites du règlement et du jeu sans jamais l'enfreindre. Surprendre. Toujours surprendre. Jouer vite. Ne pas attendre. Le seul joueur de foot à avoir atteint les sommets de l'administration est en passe de gagner la FIFA. Ah bah non, je me trompe. Non, il est plus vraiment en place, là. Non, l'homme de la passe juste vient de rater un contrôle et la balle file en touche. Lui qui est contre la vidéo dans l'arbitrage doit ruminer l'injustice, l'ironie, puisqu'il implore qu'on le laisse raconter son propre film. Le paradoxe platinien dans toute sa splendeur. Le roi Michel, mes amis, aura vécu avec les loups, pensant pouvoir les dompter. Lui qui n'aimait pas les protège-tibias doit regretter d'être venu en chaussettes au banquet des dents pointues. Platoche est toujours dans la course pour la FIFA, mais croyez-moi, il a les mollets qui saignent. Merci Samir Bouadi. Vous l'avez bien défendu. Ouais, l'essentiel de Platoche. Voilà. Johan Cruyff qui nous écoute s'est étouffé en entendant que Platini était le meilleur joueur du monde. Ça, je vais me renseigner pour savoir qui est Johan Cruyff. Mais en tout cas, nous, on est avec Olivier Gourmet jusqu'à 18h sur France Inter. Les insatisfaits, nous sommes les jamais assez, nous sommes les tout de suite, nous sommes les laissés bien trop vite, nous sommes les vacances ratées, nous sommes les amours avortés, nous sommes les choix évités, nous sommes les erreurs oubliées, nous sommes mort-nés. Les bébés en pleine crise, nous sommes les oiseaux dans la brise, nous sommes l'été sans le pastis, nous sommes la mer sans les abysses, nous sommes la vodka et le gin, nous sommes les voitures qui défilent, nous sommes les voix de la raison, nous sommes les enfants sans façon, nous sommes des cons, mort-nés. Holiday chante les insatisfaits sur France Inter. Nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Gourmet. Et autour de cette table, Alex Vizorek. Eh bien, il y a Samir Bouadi, il y a Juliette Arnaud qui nous parlera livre dans quelques minutes. Et maintenant, c'est l'heure tant attendue du reportage de notre plus grand journaliste maison que la rédaction refuse c'est d'employer. Seulement, il est au-dessus. C'est moi? Oui, ah bon, c'est le moment Meurice, c'est à vous. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous parler du plus beau jour de la vie de bon nombre de nos concitoyens. Le jour de leur mariage. Et oui, il y a des hommes et des femmes pour qui la plus belle journée de leur existence est celle où ils ont signé un papier devant une secrétaire de mairie neurasthénique sous le portrait de François Hollande, puis klaxonné toute la journée dans les rues de Clapin-sur-Ardon et fini par vomir leur rosé premier prix dans les toilettes de la salle des fêtes, Lara Fabian. Waouh ! Alors, j'ose pas trop imaginer le reste de la vie de ces gens-là, mais je voudrais avoir une pensée émue pour eux et je voudrais aussi aider ceux qui n'ont pas encore rencontrer ce bonheur, à réaliser ce rêve. Je me suis donc rendu au salon du mariage. Quelles sont les tendances? Quelles sont les nouveautés? Alors, les nouveautés, je pense que ça va se jouer dans les couleurs. dans le jaune moutarde. Ça, c'est pour les robes. Il y aura des robes jaunes moutarde. Pour les robes et aussi pour la table. On va pouvoir le retrouver, la dentelle, dans toute la décoration. Mais quel bonheur. Quel bonheur, un mariage en robe jaune moutarde avec toute une décoration jaune moutarde. Que rêver de mieux? Peut-être un mariage en robe verte kaki ou une décoration bleue de méthylène, je ne sais pas. Mais quelle beauté, que d'émotion. Poursuivons avec une autre proposition de décoration de rêve. Alors, par exemple, quelqu'un qui fait du vélo, ben, je vais lui proposer des menus en forme de roue de vélo. Quand il va donner des cadeaux à ses invités, je vais faire un petit vélo avec du chocolat à l'intérieur. Par exemple, pour le vin d'honneur, je peux faire des flûtes en chocolat où les gens vont boire leur champagne dans la flûte et après manger la flûte en chocolat. Mais en forme de vélo ou pas ? Non, là, en forme de flûte. Oh là là, mais quel bonheur ! Des menus en forme de roue de vélo et des flûtes en chocolat. Bonjour le romantisme. Prends garde à toi, Alfred de Musset. Les fans de l'Orange à la Bère sont là. Mais on peut encore faire mieux. On peut faire plus moderne. Une société proposait une impression 3D miniature de soi-même. Une petite figurine à mettre en haut de la pièce montée, comme celle qui était exposée sur le stand du président de la boîte. Mais alors ça, c'est vous ? Ça, c'est moi. Mais alors ça vous ressemble pas du tout ? C'est comme même moi, parce que c'est... Mais vous avez pas les cheveux blancs comme ça ? Non, mais j'ai eu un petit peu les cheveux blancs, et là, c'est un peu fou, je me suis mis un petit peu de teinture sur les cheveux. Et là, vous étiez plus gros. Mais depuis le temps, j'ai fait du sport, et je suis... Et vous avez bronzé, vous avez la peau plus mate que ça. Un petit peu plus parce que je suis parti en vacances entre temps. Oui, bon, en gros, si vous ressemblez à Mimi Mati, il peut vous faire ressembler à Michael Jordan sur la figurine de votre pièce montée. Et ça aussi, c'est le rêve du mariage. Mais un mariage, c'est aussi bien sûr l'ambiance, la musique. Et ça tombe bien, il y avait aussi des orchestres qui proposaient des musiques de déglingo. Il n'y a rien de plus beau qu'un Ave Maria au cours d'une cérémonie religieuse et un petit orchestre qui vous joue la valse d'entrée des mariés, c'est quelque chose d'assez royal. Est-ce qu'on peut vous demander du Patrick Sébastien par exemple ? Pas encore. Ah, la Compagnie Créole ? Non plus. La Chenille ? Laissez-moi un peu de temps et j'essaierai de vous trouver ça avec un partenaire. Quand même, une soirée de mariage sans la chenille, c'est quand même triste. Une soirée de mariage sans l'oncle bourré qui commence à tenir des propos racistes en fin de repas. Enfin, l'oncle ou la tante, hein, dans le cas de la famille de Nadine Morano, bien évidemment. Enfin, alors attention, des fois c'est l'inverse d'ailleurs. Hein. Je pense notamment à Marion Maréchal Le Pen, hein, qui a vu son mariage gâché par un oncle complètement bourré qui tenait des propos absolument pas racistes à la fin du repas. C'est moche. Quoi qu'il en soit, pour éviter au maximum les mauvaises surprises, je vous conseille de déléguer l'organisation de votre mariage à des professionnels, ceux qu'on appelle des wedding planners, même si ça n'empêche pas toutes les mauvaises surprises. Une fois, j'ai eu un marié qui, en fait, avait découvert que sa femme le trompait avec son témoin. Et en fait, il avait orchestré tout un truc où il le faisait découvrir aux invités pendant la soirée. Et c'est vous qui aviez organisé ? Ouais, enfin, nous, la partie wedding, DJ, décoration lumière, effectivement. Ah bah, ça a dû bien danser, après. Ah bah non, ça a pas dansé. Après, il est venu me voir, il m'a dit, bon bah, tu peux emballer. Et voilà, ils peuvent aussi organiser vos soirées de non-mariage. C'est très intéressant aussi. Moi, ça m'intéresse, en tout cas, parce que je me dis souvent... Tiens, mais le mariage, est-ce que ce serait pas tout simplement complètement con comme idée ? Et pourquoi je me pose cette question ? J'ai l'explication. Vous êtes un homme, vous ne comprenez rien. Oui, il faut se marier. Voilà, il faut se marier. Mais pourquoi ? Parce que... Ah oui, d'accord. Vous parlez à une femme, là. Voilà, une femme, c'est évident qu'il faut se marier. Et oui, c'est bien connu, toutes les femmes pensent pareil. Avec des idées aussi novatrices, c'est certain que la moderne institution du mariage a de beaux jours devant elle. Quant à moi, je préfère conclure en ayant une pensée pour celles qui partagent ma vie et à qui je voudrais déclarer très solennellement. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Je n'ose pas poser la question à notre invité. Vous êtes marié ? Ça vous regarde pas. Très bien, bonne réponse, ça nous sauve. Merci Guillaume-Marie. En revanche, cette chanson « J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main », c'est ce que votre personnage dans « L'odeur de la mandarine » aurait peut-être dû faire. Le mariage, c'est l'élément modificateur vraiment de l'histoire de « L'odeur de la mandarine » qui se passe à la fin de la Première Guerre. Un mariage de raison, elle a perdu un compagnon, son compagnon, vous avez perdu une jambe. Vous êtes en quelque sorte tous les deux amputés. Et je pense qu'on peut raconter la... pourquoi vous crachez votre Montgomery. Oui, j'ai raison, donc il y a un contrat avec stipulant que c'est faire l'amour une seule fois par semaine le mardi. Tout est réglé. Voilà, uniquement le mardi et chambre à part. Dans votre uniforme d'officier de cavalerie. Oui. Voilà. Avec les épaulettes. Où elle signe le papier, voilà, avec ce contrat. C'est vraiment ça, parce que j'ai l'impression C'est un marchandage. Exactement. Donc c'est un contrat tacite entre deux personnes consentantes. Et c'est tout le nœud du film. Et ça va venir détruire toute cette belle complicité qu'ils avaient réussi à établir avant, toute cette drôlerie, toute cette... Oui, parce que c'est cette ironie qu'ils avaient entre eux. Et ils étaient à l'unisson après, et au moment de signer. Mais ils l'ont mettent impatient après, parce que cette jeune fille, elle lui dit quand même, voilà, je vous épouse, mais je ne vous aime pas. Et ce que vous me demandez ne m'appartient pas, parce qu'elle est toujours en deuil. Et donc, et c'est trois une femme points. Moderne, quoi. Trois petits points. C'est dans L'odeur de la mandarine, le film de Gilles Legrand, qui sort en salle demain avec Olivier Gourmet, qui est notre invité. Et avec vous, jusqu'à 18h, on passe l'actualité à l'essoreuse. Le deuxième sujet, au bout de 24 heures, on a fini par plus ou moins à comprendre ce qui se passe en Catalogne, mais c'est pas encore, on n'est pas encore au top. Résultat des élections régionales de dimanche, c'est la majorité des sièges pour les indépendantistes, mais pas la majorité des voix. Bref, on est plus proche d'une autonomie que d'une indépendance, et ça, à notre avis, c'est à cause du clip de campagne des indépendants. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Voilà, comme ça, c'est réglé. C'était la Reine des Neiges. Hein. Et la Renatas des Neiges. Et tout à fait, parce que nous avons beaucoup de références dans cette émission, références culturelles, hein, tout cela grâce à la préparation avec Nathalie Romero, Claire-Sophie Collet et notre stagiaire Mathilde Verfaillie. Alors, comme ça, je dénonce tout le monde. C'est toujours après un mauvais son que vous donnez la liste des gens qui travaillent avec nous. Parce que c'est normal, ça fait. Alors, Olivier Gourmet. Un résultat en demi-teinte pour les indépendantistes. Finalement, la logique indépendantiste en Europe, et on vous pose la question aussi parce que vous êtes belge, bien sûr, avec les Flamands, leur origine, leur logique ne prospère pas finalement. La logique indépendantiste perd du terrain par rapport à l'autonomie qui, elle, en gagne un peu. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? À chaque fois, vous, en tant que belge, quand vous voyez ou l'Écosse ou la Catalogne et qu'il y a une élection, vous tremblez un peu en se disant il va y avoir des répercussions chez nous et mon idée de l'Europe. Je tremble tout court, j'ai pas besoin de regarder ce qui se passe en Écosse ou en Espagne. Il y a de quoi trembler en Belgique aujourd'hui avec certaines personnes au pouvoir. J'avais dit d'ailleurs à l'époque le parti nationaliste flamand, la NVA. J'avais dit à l'époque d'ailleurs que s'il arrivait au pouvoir, je changerais de pays, je demanderais l'accueil politique en France. Mais je suis pas sûr que ce soit mieux, donc je suis toujours en train de chercher maintenant. Non, nous on a toujours nos Corses. Vous avez toujours vos Corses, oui, le grand-duché de Luxembourg, je sais pas, enfin c'est compliqué. Non, je tremble, oui, c'est débile de pas s'entendre, de pas avoir une union. Enfin, je veux pas faire l'union fait la force, c'est notre slogan, c'est pas pour ça, c'est pas que ça. C'est la devise de la Belgique. Mais c'est tellement débile de pas s'entendre pour des conneries, pour des bêtises, pour des histoires d'argent uniquement. C'est toujours le même problème, hein, que ce soit l'Espagne. Voilà, on est plus riche, on en a marre de redonner une partie aux plus pauvres. C'est bêtement ça. La Catalogne, ça, c'est un peu la Flandre ou l'Écosse qui fait dire aux observateurs, c'est par exemple un dossier dans La Croix aujourd'hui, le nationalisme pur, romantique, je cite La Croix, est dépassé alors que les préoccupations concrètes sur la qualité de vie dominent. Et en effet, ce sont les parties les plus riches, donc Flandre, Catalogne ou Écosse, les riches qui veulent partir. Oui, c'est débile. Alors, je ne connais pas le cas de la Catalogne, mais peut-être vous avez ce sentiment que chez nous, c'est quand même fort une affaire de politique. Et que quand vous allez peut-être présenter vos films en Flandre, vous vous rendez compte de l'attachement à la Belgique des deux côtés de la frontière linguistique. C'est une affaire de politique, mais certains ont du talent. Pour nous diviser. Pour nous diviser et pour faire rentrer ça tout doucement dans le crâne de certaines personnes. Et on voit quand même au niveau des élections le nombre de voix qui vont vers la NVA. Donc c'est quand même un peu... Qui sont des indépendantistes flamands. Alors après, ça ne veut pas dire qu'ils détestent le Wallon. Ça veut pas... Ils veulent juste s'en séparer. Ils veulent juste s'en séparer. C'est vrai. Voilà. L'Écosse, c'est plus compliqué que ça, parce que ceux qui étaient pour l'indépendance étaient pro-européens. C'est-à-dire qu'ils voulaient... Tout à fait. C'est un vrai bordel, en fait. Oui, oui, ce qui est dingue, parce que quand un territoire devient indépendant, normalement, il perd sa place au sein de l'Europe et doit y faire des démarches pour y entrer à nouveau. Mmh. Donc, au moment de voter, il y a quand même un effet repoussoir à l'indépendance. Mmh. Voilà. Je pense qu'on a bien... On a changé le monde. Vous qui aimez le foot, Olivier Gourmet, il y a un vrai problème avec le FC Barcelone. Ah, qui va jouer tout seul dans son championnat de Catalogne. Non, ils ne sont pas tout seuls, il y en a d'autres. il y a, ouais. l'Espagnol de Barcelone, il y a trois clubs. Et vous soutenez le Standard de Liège, c'est ça, hein? À fond. À fond. Voilà. À fond les Monsieur aime la Division 2, en tout cas, et s'y prépare. Oui, pourquoi pas. Là, il y a un schisme autour de cette table, pour expliquer aux auditeurs, Alex Vizorek est plutôt pour Anderlecht, et Olivier Gourmet pour le Standard. Ce qui est inadmissible, parce que tenir pour Anderlecht, c'est tellement facile. C'est un véritable schisme. C'est comme tenir pour le Paris Saint-Germain. Et dans tout ça, il y a une Alaouit qui est pour le PSG, c'est Julien Tarnot. Et c'est son moment. Ça me fait plaisir. Elle nous parle de littérature. Oui, je vais vous parler de le livre Délivrance, l'auteur Toni Morrison. Alors, en anglais, le titre, c'est... Parce qu'ils changent toujours les titres, hein, parce que nous, les Français, on ne parle pas l'anglais. Donc, le titre en anglais, c'est God Help the Child. Et l'épigraphe, qu'est-ce que l'épigraphe? Interrogation surprise. C'est la phrase qu'on met en juste avant le récit commence. Tout à fait, Charlie, et qui donne un petit peu l'esprit de l'œuvre qui va suivre. Donc, l'épigraphe est « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez point. » Luc 18, 16, le Nouveau Testament. Et tout cela fait sens, puisque la question principale de ce nouvel opus de Toni Morrison, mi-réaliste, mi-fantastique, c'est « Est-ce qu'on se remet, oui ou merde, de son enfance ?» Alors bien sûr, on parle d'enfance pas simple, hein, et c'est un euphémisme, une litote. C'est pas les petites filles modèles, c'est pas l'enfance de Oui Oui, celui de Oui Oui et la gomme magique, c'est pas le vert paradis des amours enfantines. Alors autant vous affranchir avec les premières lignes du roman, hein. Dès qu'on l'ouvre, voilà l'effet que ça fait, on va comprendre tout de suite de quoi on cause. Je vous lis, je cite, « Ce n'est pas de ma faute, donc vous ne pouvez pas vous en prendre à moi. La cause, ce n'est pas moi, et je n'ai aucune idée de la façon dont c'est arrivé. Il n'a pas fallu plus d'une heure après qu'il l'avait tirée d'entre mes jambes pour se rendre compte que quelque chose n'allait pas, vraiment pas. Elle m'a fait peur tellement elle était noire. Noire comme la nuit, noire comme le Soudan. Moi, je suis claire de peau, avec de beaux cheveux, ce qu'on appelle une mulâtre au teint blond, et le père de Lula Anne aussi. Il n'y a personne dans ma famille qui se rapproche de cette couleur. C'est ce que je peux imaginer de plus ressemblant, c'est le goudron. » Voilà la question de la ségrégation raciale aux États-Unis et ses affreuses conséquences. Ici, par exemple, le racisme intégré qui engendre chez cette femme noire un dégoût d'elle-même, de ce qu'elle est, noire. D'ailleurs, j'en profite pour dédier cette chronique à Nadine Morano. La question de la ségrégation raciale donc aux États-Unis, c'est la chose commune à toute l'œuvre de Toni Morrison, née en 1931, premier livre publié à 40 ans, prix Pulitzer, prix Nobel en 93, seul auteur afro-américain qui ait ce titre, et qui physiquement ressemble de plus en plus maintenant à un vieux chef indien, avec toute la chaude tendresse que cette image provoque chez moi, si vous ne me croyez pas, allez sur Internet. Délivrance. Pour obtenir l'amour de sa mère, donc, qui ne l'aime pas, Lula Anne commet, petite fille, un acte désespéré que je ne vous révélerai pas ici, sinon c'est gâché, et dont elle va peiner à se délivrer. Le titre français « Délivrance » prend alors tout son sens. Lula Anne, elle tente de s'en remettre, elle réussit dans le monde des cosmétiques, sa peau si noire, presque bleutée, qu'elle met en avant au point de ne s'habiller elle qu'en blanc, sa beauté magistrale y participe largement. On se dit qu'elle a vaincu le cauchemar d'origine, sauf que... Je cite, vrai, j'ai comment un certain temps, en tout cas, jusqu'à ce que ma vie sexuelle devienne un peu comme du Coca Light, sans nutriments et d'un goût sucré trompeur, plus comme un jeu vidéo imitant la jubilation sans risque de la violence virtuelle et tout aussi brève. Tous mes petits amis étaient enfermés dans un rôle, des gens qui voulaient devenir acteurs, des chanteurs de rap, des athlètes professionnels, des joueurs qui attendaient mon entrejambe ou mon chèque de salaire comme de l'argent de poche, d'autres qui avaient déjà réussi me traitaient comme une médaille, un témoignage reluisant et silencieux de leur prouesse. Pas un d'entre eux n'était généreux, serviable, aucun ne s'intéressait à ce que je pensais, seulement à mon apparence. Et c'est là qu'elle croit rencontrer l'amour, en la personne de Booker. Booker qui s'intéresse, lui, à ce qu'elle pense. Ouh, exotisme! Un homme qui s'intéresse à ce que pense sa gonzesse. Peut-être parce que dans la famille de Booker, une fois par semaine, les parents, ils avaient ce rituel que je trouve surprenant, mais chouette. Ils demandaient à chaque enfant de la fratrie deux questions auxquelles des enfants devaient répondre. Qu'as-tu appris qui soit vrai? Et quel problème as-tu? Chaque semaine, les enfants répondaient à ça. Donc, Booker s'intéresse à ce que pense sa copine, sauf que Booker, lui aussi, il peine dans le secret de son âme à se remettre d'un traumatisme d'enfance, un frère aimé, adoré, mais assassiné par un pédophile. Alors Booker s'enfuit et Lula Anne part à sa recherche en Californie. Va-t-elle le retrouver? Peuvent-ils se délivrer l'un l'autre de leur sortilège? Je ne vous le révélerai pas ici, sinon, c'est gâché, selon la puissante maxime de mon invention susmentionnée plus haut. Délivrance nous rappelle que Black n'a pas toujours été beautiful, que d'ailleurs, au vu des derniers événements à Charleston, on en est toujours loin, mais avec la douce main de Toni Morrison qui nous pousse entre les deux omoplates, on trouve plus facilement le chemin de la lumière. Amen. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say. Voilà, c'était Nina Simone. I wish I would knew how it feels to be free. C'est-à-dire, j'aimerais bien savoir ce que ça fait que de se sentir libre. Merci, c'était Juliette Arnault et sa chronique littéraire. Et ça donne envie de le lire tout de suite. Oui. Et sa chronique littéraire qui résonne avec l'actualité. Car l'actualité, c'est le sujet de cette émission avec vous, Olivier Gourmet. Vous, votre actualité, c'est L'odeur de la mandarine, le film qui sort en salle demain avec notamment Georgias Caillet dans la Comédie française, monsieur, tout à fait. Le troisième sujet avec vous, les marionnettes sont de retour. Mais sur ABC, aux États-Unis, et ce sont celles du Muppet Show. C'est chouette quand même. Il y a des choses qui changent, comme Kermit qui plaque Peggy, mais il y a des choses qui ne changent pas parce que Charles Aznavour survivra même aux Muppets. Et voici le Muppet Show avec notre invité du jour, Charles Aznavour. Oh, quelle leçon il nous donne! Ah oui, c'est le numéro un! Ah, ça, tu peux le dire, c'est vraiment un as. Oui, c'est un as d'amour. Et donc, eux, ils ont bien fait de changer les auteurs du Muppet. Olivier Gourmet, voilà, c'est la renaissance du Muppet Show dans une formule un petit peu différente, c'est-à-dire que plus tournée vers les adultes et les jeunes adultes, en épousant l'évolution de la société. C'est normal, nous, c'était nous, les enfants, on était petits à l'époque, maintenant il faut que ce soit aussi pour nous. Exactement, et du coup, Kermit plaque Peggy la cochonne. Oh non. Bonne nouvelle. Merci. Vous, la chronique du salon du mariage, ça vient plus. Olivier Gourmet, t'as fond sur le mariage. Vous pourrez le voir dans son prochain film, d'ailleurs. Pour trouver une nouvelle cochonne plus jeune. Oui, oui. Et voilà. C'est le démon de midi. C'est ça. C'est une Madeleine de Proust, un petit peu, le Muppet Show. Ah, j'adorais le Muppet Show. Ah ouais. Ouais, c'était drôle, c'était amusant, c'était révolutionnaire, quelque part. On a pas... Parce que c'était certes, quelque part, pour les enfants, mais je crois que les adultes regardaient déjà aussi, parce qu'il y avait un côté irrévérencieux, qui était très amusant. People. Ouais, une satire people. D'ailleurs, Peggy a publié un communiqué où elle explique que Kermit c'est fini sur le site de la chaîne et les réseaux sociaux. Donc il y a vraiment une satire people. En France, il y a beaucoup de satire politique par rapport à la satire people. Là, c'est le cas en tout cas aux États-Unis. Dans votre milieu, le milieu des comédiens, des acteurs du cinéma, il y aurait de la satire, il y aurait des travers comme ça dont on pourrait se moquer, non? Pourquoi vous voulez me moquer? Il y a des clichés. Il y en a plein, mais il y en a dans tous les milieux. Hein. C'est clair qu'il y en a. Oui, évidemment. On pourrait se moquer de beaucoup de choses. Donc il y a de l'intérêt dans la satire. Ce qui est bien, c'est déjà de se moquer de soi-même. Oui, je pense. C'est vrai. Moi, par rapport au fait que vous dites que c'est une Madeleine de Proust, que vous avez beaucoup ri avec ça, on vous connaît quand même essentiellement pour des rôles parfois durs. Ah bon? Ça me surprend cette question. Intériorisé. Est-ce que c'est les réalisateurs qui ne voient pas Olivier Gourmet dans une comédie ou est-ce que c'est Olivier Gourmet qui n'est pas directement attiré? Non, j'adore la comédie. Au théâtre, j'en ai fait beaucoup. Et quand le rôle de Peggy la cochonne, ça pourrait faire ça. On lance des bouteilles. Une vraie bonne comédie. Oui, mais c'est compliqué, 3, la comédie, une vraie comédie. Olivier Gourmet dans Camping 3. Pourquoi Camping 3? Non, je sais pas. C'est une question. Pourquoi pas, s'il est bien écrit. Okay. C'est une bonne réponse. Jouer une femme avec personne. Jouer une femme? Non, mais sérieusement, n'importe laquelle, un genre de Peggy, tout ça? J'adorais, oui. J'ai eu un moment, j'ai fait une époque avec Deschamps, à l'époque des chiens. Il voulait que je rentre là-bas avec Yolande Moreau, parce que j'avais tourné avec lui. Et j'ai dit, écoute, si je veux bien y aller, mais c'est pour une seule raison, c'est je fais une femme. Morano, il faut faire Morano. Mais une vraie femme, quoi. Oui. Je veux que le spectateur soit complètement dupé, qui se dit mais c'est qui cette bonne femme? Et puis il m'a dit d'accord, et puis j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est pas que j'ai eu peur, ça me tentait, mais je me suis dit bon, chez les Deschiens on rentre là, on sait pas quand on en sort, hein. C'est un peu comme à la Comédie française. Et un rôle comique, on vous en propose un tout de suite, Olivier Gourmet? Comique, je ne sais pas, à la fin de l'émission on propose toujours un sketch à l'invité, je vous propose un rôle fort, celui de Vladimir Poutine. Alors, parce que les grands de ce monde se sont rencontrés, c'était à New York, Vladimir Poutine a serré la main de Barack Obama, je vais faire Barack Obama, Guillaume Meurice et François Hollande, parce qu'ils étaient dans la même pièce pour changer le monde. Hey Vlad, ça va? Tranquille? On soutient toujours la Syrie? Ouais, tranquille, posé, la routine quoi. La routine à Poutine. Il est lourd le Frenchie. Tu vois qu'on est d'accord parfois. Dans le genre boulet, ton copain Bachar, il est pas mal non plus. Bachar, vous avez dit Bachar, comme c'est Bachar. François. Bah, si tu me dis go, on l'envahit, dans 5 heures, je mets le drapeau russe sur la tour Eiffel. Et les gars, vous voulez envahir? Je suis chaud, j'ai déjà bombardé le Mali. Oui, c'est bien, François, oui. C'est bien. Donc, oui. Il est comme ça tout le temps? Affirmatif. Je me demande si on ne devrait pas s'allier avec les Belges. Les Belges. C'était pour rire, humour russe. Ouais, bon. On va en Syrie ou pas? Oui, on y va, oui, on bombarde. Maintenant que c'est pas mes troupes, je m'en foutre. Alors, on y va. Ok, François, tu peux nous laisser maintenant. Oh. Non, Barack a raison, on va parler avec Ban Ki-moon. Lui aussi, il sert à rien. Mais là, vous le connaissez pas, a priori, mais la Syrie, on y va ou pas? On y va. François, si tu continues à nous énerver... Nous attaquer France. Je commence à être d'accord avec Vladimir. Ok, je suis chaud, on bombarde de la France. Mais qu'il est con. Moi, si je vais en France, je vais récupérer mes Mistral. Oh, les Mistral, j'adore, ça me rappelle plus belle la vie. Bon, Vlad, François m'a tué, on fait ce que tu veux. Vladimir content, très content. Tellement content, Barack, que si tu veux, je te donne même Cuba. Très bien. Olivier Gourmet dans le rôle de Vladimir Poutine dans cette rencontre historique. C'est une première lecture. Il y a du travail. Putain, je suis pas sûr qu'on va me filer une comédie, là, du coup. Si j'ai bien fait de venir à cette émission, moi. J'avais foutu ma carrière comédie en l'air. Mais non, j'essaie de faire l'accent russe, j'y arrive pas. Je passe à l'accent belge, puis à l'accent français, puis j'ai pas tout fait. J'ai tout essayé, en vain. C'était un Poutine original. Et on sent la fibre. Non, mais si on sent la fibre comique et spirituelle, quand même, dans votre personnage, dans l'odeur de la mandarine de Gilles Legrand. Vous jouez Charles, l'officier très spirituel avec sa partenaire Georgia Scaillé. C'est un film qui sort en salle demain, un film de Gilles Legrand avec notamment aussi Hélène Vincent et Michel Robin. Donc deux Rolls-Royce du second rôle dans ce film L'odeur de la mandarine. Merci beaucoup Olivier Gourmet. Merci à vous, d'avoir passé ces moments avec nous, c'était un plaisir. Et on va laisser le mot de la fin à l'avocat de Bernard Tapie qui s'adresse au juge. Mais sinon qu'est-ce qui t'a fait Tapie? Il a niqué ta gonzesse, c'est ça? Non.